À l'occasion du 71e anniversaire de la libération de la patrie, un séminaire a eu lieu le 6 courant en Malaisie. Y ont pris part les personnalités et les habitants de ce pays. L'orateur a indiqué comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung, qui s'est engagé à l'âge d'une dizaine d'années dans la voie de la révolution, a fondé l'armée révolutionnaire populaire coréenne et a conduit à la victoire la dure lutte armée anti-japonaise pour la libération de la Corée. Cette libération, événement spectaculaire dans l'histoire, a été une occasion tournante pour le remodelage du destin du peuple coréen.